Bonsoir. Aujourd'hui, deuxième épisode de Tranche de vie. Toujours avec ma grand-mère, toujours un peu dans le même sujet, en écho à ce qui se disait la dernière fois sur Jacques Copeau. Cette fois, on part avec Ramu. Très très court, quelques mots sur Ramu de ma grand-mère. Vous en faites pas, le prochain épisode sera un peu plus long, et la prochaine fois, on part en voyage, et on part direction Cuba. Donc, restez à l'écoute, ça va continuer. À bientôt! Je t'ai aussi raconté que Ramu est venu chez nous plusieurs fois, et je m'en souviens, je me souviens de sa taille, de son chapeau plat, d'une espèce de cape qu'il portait, et sa voix, qui n'était pas du tout une voix, une voix un peu haute comme ça. Je n'aimais pas beaucoup. Tandis que la voix de Copeau, elle était absolument fascinante. Alors voilà, ça c'est ces vieux, ces souvenirs qui datent plutôt du temps de mon père ou quand j'étais jeune. Ces souvenirs-là, c'est littéraire.